Dans la peur de te perdre et de ne plus te voir, par ce monde insensé qui grouille dans ma tête, par ces nuits sans sommeil où la folie me guette, quand le doute m'effleure et tend mon cœur de noir. J'en déduis que je t'aime, j'en déduis que je t'aime, par le temps que je prends pour ne penser qu'à toi, par mes rêves de jour où tu règnes en idole, par ton corps désiré de mon corps qui s'affole, et l'angoisse à l'idée que tu te joues de moi. J'en déduis que je t'aime, j'en déduis que je t'aime, par le froid qui m'étreint lorsque je t'aperçois, par mon souffle coupé et mon sang qui se glace, par la désolation qui réduit mon espace, et le mal que souvent tu me fais malgré toi, par la contradiction de ma tête et mon cœur, par mes 20 ans perdus quand toi je réalise, par tes regards lointains qui parfois me suffisent et me font espérer en quelques jours meilleurs. J'en déduis que je t'aime, j'en déduis que je t'aime, par l'idée que la fin pourrait être un début, par mes joies éventrées, par ton indifférence, par tous les mots d'amour qui restent en souffrance, puisque de te les dire est pour moi défendu. J'en déduis que je t'aime, j'en déduis mon